Exercice spirituel de Saint Ignace de Loyola, traduit sur le texte espagnol par le Père Pierre Génesso, J. de Gigor, éditeur, 1913. Le jugement particulier, non moins décisif et beaucoup plus prochain que le jugement universel. L'oraison préparatoire est la même. Dans le premier prélude, je me considérerai comme un coupable chargé de chaînes devant le tribunal de Jésus-Christ, entre mon ange gardien et le démon, car nous devons tous comparaître devant ce tribunal, nous dit l'apôtre saint Paul. 2 Corinthiens 5, 10. Dans le second prélude, je demanderai une crainte salutaire du jugement. Seigneur, transpercez ma chair de votre crainte, car vos jugements ont rempli mon âme de frayeur. Psaume 118, 120. Premier point. Dans le premier point, je considérerai les personnes présentes à ce jugement. 1. La personne du juge. Ces divins attributs le rendent souverainement terrible pour le pécheur. Premièrement, infiniment sage, il connaît tout. Deuxièmement, infiniment juste, il est incorruptible. Troisièmement, infaillible et immuable, il ne révoque point ses arrêts. Quatrièmement, juge suprême, ses décisions sont sans appel. Cinquièmement, tout-puissant, rien ne peut résister à sa volonté. Sixièmement, immense, on ne saurait éviter sa présence. Où irais-je pour me soustraire à la connaissance de votre esprit? Où fuirais-je pour me cacher de votre visage? Psaume 138, 7. Tandis qu'il en est temps encore, je veux apaiser mon juge, je veux me le rendre favorable. Roi d'une majesté redoutable, juste juge de tous les hommes, pardonnez-moi mes offenses avant le jour, peut-être bien rapproché, où vous me demanderez un compte exact de toutes mes œuvres. 2. La personne du coupable. C'est moi, et non un autre à ma place. Moi, saisi de frayeur, moi, couvert de confusion, abandonné de tous, seul avec mes œuvres, bonnes et mauvaises, moi, tremblant et gémissant comme un coupable. Hymni ecclesiae. Que mes jugements, que mes affections, relativement à tout ce qui passe, et à ce qui demeure éternellement, seront alors différents. Ainsi il est vrai que l'homme juste sera à peine rassuré, moi, coupable, que dirais-je, et qui invoquai-je pour me défendre? Hymni ecclesiae. 3. Les accusateurs. Le démon fera l'énumération de tous les péchés d'omission dont je me serai rendu coupable par ma négligence, de tous les péchés d'action que j'aurai commis à son instigation et par ma propre malice, de tous ceux que je n'aurai pas prévenu ou empêché, bien que ce fût pour moi un devoir, de tous ceux dont j'aurai été l'occasion volontaire en tant de manières et dans tant de circonstances. Mon bon ange me reprochera ses conseils méprisés, ses inspirations repoussées, ses regards souillés par mes iniquités. Les anges gardiens de mes frères me reprocheront mes scandales qui, peut-être, auront causé la perte de plusieurs âmes, et en demanderont vengeance. Levez-vous, Seigneur, et jugez votre propre cause. Psaume 73. Ne donnez pas lieu au démon de vous accuser. Éphésiens 4, 27. Puissiez-vous plutôt lui dire avec la même assurance que Saint Martin, « Malheureux, tu ne trouveras rien à revendiquer en moi. Ne méprisez pas non plus l'ange de Dieu, car il ne vous pardonnera pas, au dernier jour, s'il vous trouve coupable. » Exode 23, 21. 4. Des témoins irrécusables. Premièrement, les créatures, dont j'ai indignement abusé. Deuxièmement, la sagesse divine. Troisièmement, ma propre conscience. Ces témoins me mettront sous les yeux mes œuvres de ténèbres, me forceront de les reconnaître, et d'avouer ce que je voudrais inutilement nier ou me dissimuler à moi-même. Je veux écouter maintenant la voix de ma conscience, afin qu'elle ne s'élève pas alors contre moi pour me condamner. Accordez-vous promptement avec votre adversaire, pendant que vous êtes avec lui dans le chemin, de peur qu'il ne vous livre au juge, et le juge au ministre de sa justice. Matthieu 5, 25. Second point. Dans le second point, je considérerai l'examen qui aura lieu à ce jugement. Premièrement, il sera exact. Tout sera pesé, rien ne sera omis, pas même une parole oiseuse. Matthieu 12, 36. On me demandera compte de ma dépense et de ma recette, de tous les dons que j'aurai reçus, des talents qui m'auront été confiés, de tous les moments qui m'auront été accordés, de tant d'occasions de faire le bien qui m'ont été offertes, de tant de bonnes inspirations qui me sont venues d'en haut, enfin, de toutes mes pensées, paroles, actions et omissions. Aux chrétiens, aux religieux, prêtres, rendez compte de votre administration. Luc 16, 2. De l'administration et de l'usage des sacrements, de l'emploi des grâces, des moyens de salut mis entre vos mains, pour vous et pour les autres, et que vous avez négligé, et dont peut-être vous avez abusé. Deuxièmement, cet examen sera sévère, toutes mes œuvres, et chacune d'elles en particulier, seront examinées en rigueur, toutes seront mises dans la balance de la justice divine. On me demandera compte non seulement de la substance de mes œuvres, mais des circonstances qui les ont accompagnées, de l'intention qui les a dirigées. Quand le temps sera venu, je jugerai en toute justice les justes eux-mêmes. Psaume 74, 3. Dit le Seigneur, à combien plus forte raison les pécheurs. En ce jour, je scruterai Jérusalem avec des flambeaux. Sophonie 1, 12. Comment traiterai-je Babylone? Combien d'œuvres dans lesquelles je mettais ma confiance seront alors éprouvées comme un argent faux? Jérémie 6, 30. Combien de péchés, que j'ignorais par une négligence coupable, s'échapperont des replis de ma conscience et s'élèveront contre moi? Combien de fautes, que l'entraînement et la dissipation me faisaient regarder comme légères, paraîtront graves? Combien, peut-être, que je croyais effacées, attesteront qu'elles existent encore tout entières quant à la peine? Malheureux que je suis, que dirais-je en ce moment? Hymni Ecclesiae 1, in missa defunct Rome. Troisième point. Dans le troisième point, je considérerai la sentence qui suivra immédiatement la connaissance de la cause. Des deux sentences dont parle l'Écriture, Matthieu 25, 34, 41, l'une est infiniment désirable, l'autre infiniment redoutable. Je les mettrai tous deux en parallèle avec leurs motifs. J'en méditerai les termes, l'intimation et l'exécution, qui auront lieu à l'instant même de ma mort. L'une ou l'autre de ces sentences m'attend nécessairement, mais laquelle sera mon partage, je l'ignore. Cependant, je puis dire que c'est celle que je voudrais. Le choix m'est donné maintenant, Josué 24, 15, bientôt il ne sera plus en mon pouvoir. Pour mériter la sentence de condamnation, la chose est facile, la voie est large, Matthieu 7, 13, continue comme tu as commencé, va, cours où la nature et la concupiscence l'emportent. Pour mériter la sentence favorable, le travail, la lutte, sont nécessaires. Fais d'abord de dignes fruits de pénitence, Luc 3, 8, Ensuite efforce-toi d'entrer par la porte étroite, Matthieu 7, 13, et marche avec le petit nombre dans la sainteté et la justice chrétienne tous les jours de la vie. Luc 1, 75. Colloque. Je terminerai par un colloque à mon juge, ou plutôt à mon sauveur. Souvenez-vous, ô bon Jésus, que c'est pour moi que vous êtes venu sur la terre, et ne me perdez pas en ce grand jour. En me cherchant, vous vous êtes assis, épuisé de fatigue, vous m'avez racheté en souffrant la mort sur la croix, que tant de travaux ne soient pas perdus. Pater, Ave. Note. Entre cette méditation et la suivante on pourra réfléchir, premièrement, sur la proximité du jugement particulier, insensé, cette nuit peut-être on te redemandera ton âme. Deuxièmement, sur l'imposant appareil du jugement universel, toutes les nations seront rassemblées. Troisièmement, sur l'éternité de l'enfer, châtiment permanent du péché. Malheur, malheur, trois fois malheur. Markendanarchive.org, 2020, d'après Archive.org Université de Toronto, Université d'Ottawa et Livre Mystique.com, licence Creative Commons, pas d'usage commercial, partage à l'identique.